Je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 50 mètres avec le véhicule qui précède. Quelle que soit la vitesse à laquelle je roule, réponse A. Seulement si je roule à 90 km/h, réponse B.